Le groupe Belloussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono. Le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Weekend en ce matin, on va dire en ce lundi un petit peu frais. J'espère que vous allez bien, si vous sortez un petit peu du travail, si vous êtes devant votre poste de radio, restez avec nous, une heure et demie de sport. On va revenir sur toute cette actualité qui est débordante et envahissante. Et bien ce soir, avec moi, il y en a toujours très inquiet quand on la voit regarder les boutons. C'est Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Fred, bonsoir l'équipe. Est-ce que tu es allé courir ce week-end? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Ouais. Rien ne m'arrête. Et puis juste à côté, bien sûr, Gilles, qui sera tout au long de ce week-end rugbystiquement parlant à nos côtés. Bonsoir Gilles. Bonsoir l'équipe. Bonsoir les auditeurs. Avec moi, il vient juste d'arriver, il est en train de mettre son blouson. Lui, c'est Monsieur Football, il s'appelle Henri. Et on va voir s'il va bien ce soir, Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir à l'équipe ainsi qu'aux auditeurs. Juste avant de voir le sommaire, toujours avec nous, et elle aussi très perspicace pour savoir si son matériel fonctionne, c'est Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir tout le monde. On l'a entendu Marie? Il m'a semblé qu'on n'a pas entendu. Moi je m'entends pas. Oh, c'est très très bien. Tiens, et Jean-Yves, alors mon acolyte qui est toujours avec moi, à mes côtés. C'est vrai qu'on a des petits soucis de casque ce soir, mais c'est normal, Monte Carlo va démarrer, c'est pour ça. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Fred. Et puis une voix peut-être inhabituelle, mais on est très heureux de les avoir parce que ça fait déjà plus de 8 ans que je prends plaisir à les accueillir et aller me prendre un petit peu du plaisir dans ce COSEC de Mazan. C'est Karl Vinsono. Bonsoir Karl. Bonsoir à tous. On les retrouvera tout à l'heure et Pascal Vassé aussi. Pascal, ça n'a pas été trop dur pour venir jusqu'à Monteux? Non, j'ai trouvé le chemin malgré le vent. Merci. Dans quelques secondes, c'est le sommaire avec Marie. Ce soir, nous parlerons du Roller Derby 1, les Cherry Blues contre Rabbit Avignon. Ensuite, nous aurons du rugby à 15, le fédéral de l'ASBC trébuche à hier. Tous les résultats et commentaires dans cette émission. Rugby à 13, les Vauclusiens ont-ils gagné? Réponse dans quelques minutes. Basketball, le Sapsorg Avignon en National 1 ont renoué avec la victoire. Football, Monsieur Henry et JFoot 84 pour toute l'actu du week-end. Athlétisme, Bibi Bougon vient de nous rejoindre, mais il était où ce week-end? On va le voir tout de suite après. Automobile, le rallye de Monte Carlo, départ jeudi de Monaco, direction Gap, tout ce qu'il faut savoir avec nos spécialistes. Et focus ce soir, c'est le hand, avec le handball au féminin, avec le club de Mazan qui évolue en National 3. Karl Vinsono et Pascal Vassé sont nos invités. Mais ça va pas être du rugby, ça va être du roller. C'est vrai que ce week-end, bien sûr, une journée de championnat, parce qu'alors le roller derby, Elena, ce club qui a été créé il y a pratiquement 5 ans, une fédération qui est née cette année, de l'apogée de ce sport, qui est le roller derby, c'est bien sûr sur un anneau. Ce sont des filles avec des rollers, elles sont dévêtues un petit peu, ce qui est agréable, hein, on va pas s'en cacher. Et à la fois, c'est assez, il y a du contact. Parce que je peux vous assurer qu'il faut essayer de bloquer, on appelle ça les jammeuses, qui tournent autour d'un anneau, il faut essayer de les bloquer. Alors on se met à 3, 4, et on essaie de les stopper. Je peux vous dire qu'il y a des contacts qui sont assez violents. Mais à la sortie, les Cherry Blues ont perdu avec la tête haute face à cette équipe d'Avignon, qui a malheureusement que 4 ans d'existence, mais qui ont déjà, on va dire, fédéré pas mal de filles autour d'elles, puisque on va dire que leur engouement pour ce sport est beaucoup plus fructifiant que celui qui se passe du côté des Cherry Blues à Bellaride. Bien sûr, ils ont beaucoup plus de joueuses, et de joueuses un petit peu plus huppées au niveau physique, hein, parce que je me suis aperçu qu'il y en a quelques-unes qui auraient très bien pu rejoindre les rangs du Rugby Club de Velleron, parce qu'elles sont très imposantes. Jean-Yves, deux mots sur ce roller derby, est-ce que tu es allé voir un petit peu comment ces filles s'organisent, comment ces matchs se déroulent? Il dure à peu près 2 heures, hein, entre les 3 tiers-temps et tout ce qui est arrêt de jeu. Non, j'y suis pas allé ce coup-ci, mais effectivement, j'en avais déjà vu. C'est un sport rude. C'est un sport rude, les filles ne se font pas de cadeaux. Elles se rentrent dans la tronche pendant toute la durée de l'événement. Voilà, c'est un sport sympa à regarder, pour tout autant qu'on ait compris comment ça se passait. Moi, ce que je vous propose, c'est pour les gens qui n'avaient pas la chance d'être à Bédari de ce week-end au gymnase Saint-Exupéry, c'est de vous mettre quelques photos sur la page Facebook Top Chrono sur Fly FM. Et puis, peut-être essayer de communiquer de plus en plus sur ce sport et donner envie à nos auditeurs d'aller voir. Ils vont se régaler parce qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de machin, et il y a une super ambiance autour de la piste. Et vraiment, c'est un bon moment en général qu'on passe lorsqu'on va voir les filles du roller derby. Alors pour le score, eh bien 195 à 105. Alors bon, c'est tout un panel de points parce qu'on tourne autour. Et quand on bloque, on prend 2 points. Si on arrive à se débloquer dans les 5 secondes, eh bien on prend encore 2 points. C'est pour ça que les scores paraissent lourds. Mais c'est des scores qui sont très gratifiants pour ce sport, puisque quand on arrive à passer les 180 points, ça veut dire que ça a été très intense au niveau de la partie. Bon, les Rabbits d'Avignon ont gagné 195 à 105 pour les Cherry Blues de Bédaride. Je vous propose d'écouter Elena. Alors c'est elle qui a créé le club. Elena, elle avait laissé un petit peu les patins de côté. Elle était obligée de remettre le bleu de chauffe et elle a pris du plaisir énorme. Vous allez avoir du mal à retrouver sa respiration juste après le coup de sifflet final. J'adore prendre un petit peu à chaud, on va dire, les artisans et les artistes de cette belle défaite, on va dire, puisqu'on va dire que c'est une belle victoire parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus de 300 personnes. Elena. Ah non. Si, bonsoir. On est hit. Mais j'ai pas d'aide, non. Oui, bonjour. Pardon, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, alors ça fait 2 ans que vous faites du... Presque. Du derby roller. Cette équipe d'Avignon, qu'est-ce qu'il a manqué pour la battre tactiquement? Un peu d'expérience de match, hein, c'est notre premier vrai match en compétition, donc forcément, on est un peu peut-être impressionné au début, et le temps de se recentrer, forcément, ça prend un peu de temps. Ouais, il y avait un petit peu d'agressivité dans ce match, c'est le sport qui veut ça. Ah, ça fait partie du sport, c'est un petit peu violent, mais j'ai pas trouvé ça si agressif que ça, vraiment. Il me semble que vous perdez quoi? Sur des fautes ou vous laissez un petit peu passer trop d'adversaires? Pour le coup, on fait pas trop de fautes, on est plutôt propre, mais on les laisse trop prendre le dessus et décider du jeu. Ça, c'est notre point faible. On sera de la route pour aller du côté des Hautes-Alpes pour le prochain rendez-vous. Pour le 1er avril, on va essayer d'être un peu plus tenace et de moins cesser faire. Merci. Merci. Cette équipe d'Avignon, qu'est-ce qu'il a manqué pour la battre tactiquement? Un peu d'expérience de match, hein, c'est notre premier vrai match en compétition, donc forcément, on est un peu peut-être impressionné au début, et le temps de se recentrer, forcément, ça prend un peu de temps. Ouais, il y avait un petit peu d'agressivité dans ce match, c'est le sport qui veut ça. Ah, ça fait partie du sport, c'est un petit peu violent, mais j'ai pas trouvé ça si agressif que ça, vraiment. Il me semble que vous perdez quoi? Sur des fautes ou vous laissez un petit peu passer trop d'adversaires? Pour le coup, on fait pas trop de fautes, on est plutôt propre, mais on les laisse reprendre le dessus et décider du jeu. Ça, c'est notre point faible. On sera de la route pour aller du côté des Hautes-Alpes pour le prochain rendez-vous. Pour le 1er avril, on va essayer d'être un peu plus tenace et de moins cesser faire. Merci. Merci. Voilà, on avait écouté, on va l'appeler Elena, mais c'est pas du tout Elena, c'est l'une des toutes nouvelles joueuses qui viennent de... Jameuse, parce qu'il ne faut pas dire joueuse, il faut dire jameuse, qui vient d'arriver dans ce club, et elle a pris beaucoup de plaisir, et elle ne voulait pas parler à la radio, mais tant pis pour elle, elle a été toquée à 2 reprises. Voilà pour le derby. Top chrono, rugby à 15. Allez, rugby à 15, on est revenu aux affaires dans ce week-end rugbystique, puisque c'était la journée de championnat de reprise, on va dire, de Fédéral 2. La Fédéral 3 en a fait autant, et l'honneur avait déjà démarré la semaine dernière avec la promotion d'honneur. Jean-Yves, juste avant de voir les résultats de cette poule 4 avec Marie dans quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette reprise de championnat? Surprise ou pas surprise sur les matchs qui se sont déroulés ce week-end? Non, Fred, pas vraiment de surprise. J'ai les résultats sous les yeux. Pas vraiment de surprise. Les équipes fortes qui recevaient ont gagné. Je pense à Bédaride qui s'est déplacé sur le terrain du premier hier à Kerkeran. Ça aurait été un beau résultat pour les Bédaridés. Ils étaient encore dans le coup jusqu'à quasiment à la fin, hein, puisque à 5 minutes de la fin, il y avait 22-22. Et puis, après quelques pénalités, quelques fautes. Faute presque bête, ils ont laissé échapper le bonus défensif. Ça aurait été un beau résultat, 22-22, je te dis, à 5 minutes de la fin. Donc allez, et puis au pire une défaite de 9 points ou de 11 points pardon chez le premier de la poule, et presque l'épouvantail de la poule, c'est pas vraiment un mauvais résultat. Bédaride est toujours second là, par contre le le petit problème, c'est que hier, Carquet creuse un petit peu l'écart en tête. Le deuxième match, c'est Château qui recevait Voiron. Alors attends, deux minutes, je te coupe parce qu'on va laisser faire les résultats par Marie, parce que Marie va nous donner le résultat de cette Fédérale 2, poule 4. On reviendra bien sûr sur la Fédérale 3, poule 9, poule 10, dans le même échelon. Et juste après, on reparle et on analyse un petit peu les résultats. Que va nous communiquer Marie ? Alors, en fédéral 2, poule 4, hier, Carquéran, Bédarit, Château, 31-22. Tricastin, Nice, 18-24. Château-Renard, Voiron, 41-27. Hier, Carquéran est premier. Bédarit se situe deuxième sur 9. La fédérale 3, poule 9, Privas, Avignon, Le Pontet est reporté. Ber, Emeux, 57-3. Givors, Ampuy, 13-7. Rhône 15, Martigues 19-23, Les Angles Beaurepaire 53-31. Ber est premier, Les Angles se situe quatrième, Avignon-le-Pontet est 9e sur 10. La poule 10, Palavas-Bastia 39-7, Sifour-Aix-Université 19-46, Cavaillon-Lille-sur-Sorgue 14-6, Aubagne-Lavalette 19-19, Vendre-l'Espignan-Valcapot 26-14. Et pour les résultats de... C'est la Valette. Hein. Cavaillon est troisième et Lille-sur-Sorgue est cinquième. Voilà, on va s'arrêter sur les fédérales. On va revenir avec Jean-Yves. C'est vrai qu'on était en train de parler de Château-Renard. On va revenir sur ce film de cette poule 4. Château-Renard qui a gagné chez lui. Mais Château-Renard va accueillir dimanche prochain un ogre de la poule, la SBC, un derby, un beau derby, pour essayer de ne pas se faire distancer par hier Carquéran qui va jouer à l'extérieur. Ouais, ça va être un beau match parce que quand on regarde le classement là maintenant, Fred, on s'aperçoit que Château-Renard et Bédarit sont au coude à coude, hein, avec le même nombre de matchs joués, le même nombre de points, le même nombre de victoires et le même nombre de matchs nuls, c'est-à-dire 29 points, 9 joués, 7 gagnés et 2 défaites. Donc ça va être un match un petit peu test pour les deux équipes. D'après moi, l'équipe qui gagnera ce match-là aura fait un grand pas et vers la qualification, bien qu'il n'y ait pas vraiment de doute quant à la qualification. Mais en tout cas, c'est important dans cette poule de terminer dans les deux premiers pour éviter d'aller en phase finale, essayer de se coller, d'éviter de se coller les grosses équipes des autres poules. Et puis le stratège au niveau financier, il faut savoir que la SBC bon, va se qualifier certes, mais ils voulaient finir premier. Ils ont lâché des points hier du côté d'ailleurs à Carquéran, parce que si on regarde et si on se projette sur dimanche prochain, la SBC qui viendrait à trébucher sans prendre de points du côté de Château-Renard se ferait éloigner avec peut-être une victoire d'ailleurs à Carquéran à l'extérieur, pourrait se faire éloigner pour la première place. Cette première place, dans cette phase finale, il faut savoir que le premier va chez un second pour le premier match et après reçoit à domicile, ce qui est un apport financier pour le club important. Et cette année, c'était un petit peu le deal du président de finir premier de cette poule. Pour l'instant, c'est mal engagé, on verra par la suite. Tu sais Fred, on a dit et répété depuis le début de saison que les matchs entre guillemets facile où l'ASBC aurait dû cartonner, prendre des points de bonus offensifs, prendre un maximum de ces points-là. Quelquefois, les verts et noirs ont laissé échapper des points de bonus en cours de route. Et bien là, on va en parler de ces points de bonus. On l'a dit pendant la première partie de saison, pendant le premier trimestre, où on disait, c'est dommage que là, par exemple, ils aient gagné que 9-7. On manquait d'un point de bonus parce qu'on n'avait pas été suffisamment cohérent jusqu'à la fin du match, etc., etc. Tu sais, tous ces points de bonus là, on va les retrouver là. Regardez, il y a 5 points d'écart. Ça serait dommage de rater la première voire la deuxième place pour ces 2-3 points de bonus qu'on aurait pu grappiller, qui n'étaient pas des points de bonus très compliqués finalement à prendre quand on regarde, je sais plus, je crois que c'était contre Saint-Jean-Royan où on termine à 9-7 alors qu'on a toute l'après-midi l'occasion de remporter de marquer des essais. C'est un petit peu dommage. Ouais, et puis on va juste parler un petit peu de ce derby qui n'a pas accouché d'une souris, mais qui a été logiquement respecté, puisque Cavaillon est resté maître chez lui dans cette Fédérale 3. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de ce derby. Et puis juste après, on reparlera des Angles qui ont mis un carton à cette équipe de Beaurepaire, ce qui leur permet de voir plus sereinement leur avenir dans cette Fédérale 3 de la poule 9 pour les Angles et 10 pour Lille-Cavaillon. Alors quelque part dans cette poule 10, tu le disais Fred, entre contre Cavaillon et Lille-sur-Sorgue, la logique est respectée. On se rappelle qu'au match aller, les joueurs de Lille-sur-Sorgue l'avaient emporté sur leur terrain face à Cavaillon. C'était une demi-surprise à l'époque. Là, ben voilà, c'était à Cavaillon. Les joueurs de Lille ont été défaits, mais ce n'est pas une grosse défaite, ce n'est pas une rouste. Il n'y a pas de véritable problème. Et puis, encore une fois, il ne faut pas oublier que Lille, c'est un promu. Ils sont cinquième. Pour le moment, ils sont toujours qualifiables. Il faut, mine de rien, un beau parcours. Après, voilà, c'est un petit peu l'expérience qui a probablement compté pour les Cavaillonnais. Si on revient juste sur le résultat des Angles, eh ben c'est un beau résultat. Hein. Ils rattaquent l'année de belle manière, puisqu'ils ont filé 50 points à une équipe de Beaurepaire. Ils étaient déjà allés gagner à l'extérieur, à Beaurepaire. Sur l'ensemble des deux matchs, il me semble que ça fait quelque chose comme 90 points encaissés par Beaurepaire face à cette équipe des Angles. Beaurepaire, c'est un petit peu du gâchis. On se rappelle qu'il y a quelques années, il jouait en Fédéral 1 et, me semble-t-il, même en groupe B à l'époque. Voilà, juste aussi, on va prendre l'honneur Pacan, on va faire durer les résultats par Magui très rapidement et on parlera juste de, il me semble, d'un derby qui se déroulait du côté de Valréas et elle va nous dire tous les scores. Dans quelques secondes, c'est à toi, ma petite Marie. Alors, Fossistre, Uzès, 12-15, Monaco, Saint-Saturnin, 40-15, Salon de Provence, RC Draguignan, 18-11, Valréas, Monteux, 11-5, Le Bossé, Sisteron, 40-25, Le Mourillon, Saint-Laurentin, 6-8. Monteux est troisième sur 12. Voilà, juste deux mots, Jean-Yves, pour parler bien sûr de cette équipe de Monteux qui s'est déplacée du côté de Valréas. Valréas qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière, mais qui se reprend bien, puisqu'ils sont arrivés quand même à battre sur leur terre cette équipe de Monteux qui avait peut-être besoin de victoire. Ouais, les Montiliens, s'ils s'étaient imposés sur le terrain de Valréas, ça aurait été vraiment un beau résultat. Et ils auraient quand même pu même prendre la première place de cette poule du championnat honneur. Ça n'a pas été le cas. C'est jamais très simple d'aller gagner à Valréas. C'est toujours des matchs un peu rudes. Top chrono, rugby à 13. Ah, parce qu'on va y revenir, bien sûr. C'est encore Jean-Yves qui va s'y coller. On va parler un petit peu du rugby à 13, l'élite 1. Il y avait la 11e journée de championnat. Élite 2, pareil. Pourquoi un petit coup d'accélérateur? C'est parce que le temps vous est compté. Bah écoute, on va faire très vite, Fred, puisque le SOA se déplaçait sur le terrain de Lézignan, un des cadors de la poule de Lézignan. Là, pareil, c'est le SOA qui revient avec 50 points de son déplacement à Lézignan, après avoir été presque au contact pendant tout le match, hein, puisqu'ils étaient, me semble-t-il, à 24-24 à la mi-temps. J'avais des infos pendant toute l'après-midi et les joueurs du SOA auraient très bien pu faire un coup en terre lézignanaise. Ça n'a pas été le cas. Lézignan qui était en fête hier pour les 10 ans d'une association là autour de Lézignan. Et donc, ben voilà, ils ont fait le boulot, les joueurs de Lézignan. Ils confortent leur place dans le top 4. Avignon, par contre, n'est pas décroché, puisqu'ils sont toujours cinquième de ce championnat. Une victoire des Avignonnais à Lézignan aurait été un beau coup, et ça aurait permis aux Avignonnais de rentrer dans le top 4. Mais il y a toujours ce problème récurrent des Avignonnais qui ont du mal à aller faire des bons coups à l'extérieur. Encore une fois, ils étaient et pas. Et pourtant, ils nous ont habitués à mieux, c'est vrai. Bon, Lézignan, attention, c'est le leader. La défaite n'est pas du tout, négative pour cette équipe d'Avignon, soyons clairs. Lézignan, c'est un beau leader, quoi, hein, et qui ne laisse rien passer à domicile. Mais ça fait rien. C'est vrai qu'on aurait pu un petit peu les tutoyer chez eux. Ça serait sympa. Ouais, les Iliens, c'est l'équipe qui est entraînée par Aurélien Colony, l'entraîneur de l'équipe de France, qui affrontait le SOA, entraîné par le co-entraîneur de l'équipe de France. Ça a donné manifestement un beau duel de techniciens où le match s'est un peu joué sur des détails. Et puis sur ce coup-là, c'est Aurélien Colony qui est sorti vainqueur avec son groupe de ce match. Mais enfin, ça ne remet pas en cause la belle saison du SOA. En élite 2, les Entraigois, eux, par contre, ont fait le boulot, puisque même si le score est peu flatteur, hein, puisqu'ils ont gagné 28-22 face à Lyon-Villeurbanne, ben pour le moment, les Entraigois, pareil, ils continuent à respecter leur temps de passage. Juste un dernier mot sur Carpentras, qui par contre là a explosé sur son terrain sur le score de 14-25 face à l'équipe de Ville-Gaïeng. Surprise, contre, il n'y a vrai. Pas vraiment, Fred, parce que Villegayen, ça fait partie des cadors de ce championnat. Ils sont quatrième, Villegayen, ils sont pas là par hasard. Pour le moment, les Carpentraciens sont pas loin, ils sont toujours au contact, ils sont cinquième. Et les Entrégois sont septième de cette poule d'élite 2. Top chrono, basket. Allez, on y va dans le basket. On va voir avec Marie, bien sûr, on va parler de ce Sable d'Avignon, qui a retrouvé des couleurs, une victoire qui n'a servi à rien, puisque dans quelques minutes, on va regarder un petit peu ce championnat. Et c'est vrai que les points qui ont été laissés dans les matchs allés, puisque maintenant, tout va se dérouler du côté de la plaine de Sorgues pour les prochains rendez-vous à domicile. Mais pour l'instant, Marie, parle-nous de cette 16e journée de championnat de National 1, 18e journée, pardon, de championnat de National 1. Alors, Jet Vosges, Lorient, 71-64, Angers-Chartres, 65-90, Tarbes-Lourdes, Souffelway, 74-72, Vitré-Grand-Avignon-Sorgue, 60-70, Caen-Andrézieux, 105-60, Chaland-Rennes, 75-90, Rueil-Saint-Vallier, 93-77, Quimper-Orchy, 86-87. Donc, le premier, c'est Souffelway, et Avignon se situe 16e sur 18. Bien, tout va bien. Alors, Jean-Yves, qu'est-ce qu'il en pense ? Cette belle victoire, certes, redonne un petit peu du boom au cœur, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont allés gagner à l'extérieur, ce qui fait plouf. Ouais, mais quand même, victoire inespérée, Fred. Elle n'était pas dans le, elle était pas au programme, cette victoire, puisque le nouvel entraîneur Sens avait annoncé que ça allait être compliqué et que ils n'allaient pas probablement faire un bon coup là à Vitré. Vitré, c'est une équipe qui est en difficulté en ce moment. Ils viennent d'enchaîner quelques mauvais résultats. C'était le bon moment pour y aller et pour faire un coup à l'extérieur. Ça a été fait. Il y a quelques semaines, le SAP aurait explosé même à Vitré. Là, ils n'ont pas explosé. Ils ont gagné. Alors, ce n'est pas une grosse victoire, mais c'est quand même une victoire. 10 points d'écart. Voilà, ça valide le changement d'entraîneur, ça valide la nouvelle recrue, là, cet intérieur. Et puis, ça valide aussi que la première saison, eh ben, c'est un massacre parce que finalement, on s'aperçoit que quand ces joueurs sont en confiance, quand ces joueurs, ce groupe est bien mené, pas avec un tyran, pas avec un mec qui comprend rien, eh ben, ça valide le fait que le boulot, voilà, les joueurs sont là, ils sont bons, les mecs sont bons. Et le mauvais début de saison va laisser énormément de regrets si le club venait à descendre. Parce que voilà, on voit des mecs comme Jäger et compagnie qui sont là, qui sont capables de tenir la baraque. Dommage qu'on les a abîmés. Et rendez-vous, bien sûr, dès samedi soir dans la salle de la plaine sportive de Sorgues où ils joueront. On vous donnera, bien sûr, la liste des matchs de ce samedi prochain. Ça va être le vrai test, en fait. Le premier match à la maison, à Sorgues, avec le nouvel entraîneur, ce nouveau sens. Et puis, le groupe, là, qui recommence à avoir une forme qu'on connaissait, hein, Durel et compagnie, ça risque de le faire. Allez! Top chrono, football. Allons bien avec le football, monsieur Henri, bien sûr, Henri, est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau des matchs annulés et savoir un petit peu que fait le Ponté. Est-ce qu'ils sont toujours en phase montante? Et puis, ils vont nous donner des nouvelles de Perne, et puis nos amis de Courtaison qui jouent en DHR. Et puis, juste après, on reviendra, bien sûr, sur ce championnat du district Ronde du Rance avec le bal qui est mené entre Mayanne et Barbantane qui font un petit peu tête de proue dans cette PH. Donc, ce week-end, le Ponté rencontrait la deuxième équipe au classement, un peu comme la semaine dernière. Donc, ils n'ont pas pu réaliser le même exploit. Donc, ils sont défaits à Toulon sur un score de 3-0. Disons que c'est pas une suite logique, mais bon, pour l'instant, on va dire que le problème, c'est que ce n'est pas encore terminé, leur petit souci dans cette équipe. Tout à fait. Mais bon, comme je l'ai déjà répété la semaine dernière, ils s'éloignent légèrement de la zone rouge. Ils sont actuellement 13e avec toujours 17 points. La suite. En DH, Perne jouait contre Saint-Rémy et continue aussi sur une mauvaise série depuis la reprise. Donc Perne perd à domicile sur un score de 0-2. Ouais, c'est Rémi qui était l'année dernière en DH1, qui a monté cette année, qui a fait sa session en honneur. Eh bien, je crois que quand même, cette équipe a de la valeur, puisqu'aujourd'hui, c'est un septième sur ce classement général hein, de cette poule d'honneur régionale. Tout à fait. Donc, on passe ensuite à la DHR. Ouais. Sur deux matchs, donc le premier match qui opposait US Mandelieu à US Le Pontet, qui se solde sur un score de 3 à 3, match prolifique entre les deux équipes. Ensuite, le deuxième match qui opposait JS Consola Marseille 2 contre SPC Courtaisan, qui se solde sur un score de parité également à 1 à 1. Un partout pour cette équipe de Courtaisan. C'est vrai que le Sporting est en phase ascendante aussi, il a besoin de points, parce que je crois que quand on regarde un petit peu le classement, il fallait surtout pas perdre, et on sait la dureté de ces clubs à résister dans ces poules, parce que là, il n'y a pas de cadeau, tous les dimanches, on joue presque sa place et son maintien, quoi. Oui, et le championnat est très très très serré, les équipes se tiennent à 1, 2, 3 points maximum les unes par rapport aux autres. Donc US Le Pontet actuellement occupe la 4e place avec 29 points et SC Courtaisan la 9e place avec 25 points. On est très heureux quand même que tu puisses partager toutes les informations que tu nous donnes avec GFoot 84 que vous trouverez bien sûr sur le web, et vous retrouverez toutes les infos du football vauclusien. C'est GFoot, allez voir, 84. Vous verrez que c'est très très bien organisé. Je vois que tu as vraiment avec toi pas mal d'informations. Continuons, mon cher Henri. Nous passons ensuite à la PHA. Donc les résultats. Nov, Montfavet, 1 à 1. Boulbon rencontrait Courtaisan. Défaite de Courtaisan, 1 à 0. Avion US bat Tarascon, 1 à 0. Nyons, Lille, 0 à 5. Très joli score à l'extérieur de Lille. Carpentras, Barbantane, 1 à 2. Vedène, AC, Saint-Rémy, 3 à 0. Mayanne, SD, Perne, Espoir, 4 à 1. Au classement, les trois équipes de tête sont Mayanne avec 34 points, SC Montfavet avec 31 points et Barbantane avec 31 points. On passe à la PHB avec le match qui opposait Monteux contre Le Pontet US 3, 2 à 2, Rasto Provence RC 1 à 1, Étoile d'Aubune Saint-Didier 1 à 2, Jonquière Mossane 4 à 1, Saint-Jean-Grès Molège, match reporté, Entraigue bat le leader de la poule Cavaillon 2 à 1 et Calavon Barbantane 0 à 0. Cavaillon conserve la tête du classement avec 36 points et voit Saint-Didier revenir à 3 points avec 33 points. Alors, je ne sais pas le classement, je suis en train de regarder un petit peu nos amis entrégois. Il faut savoir qu'ils étaient touchés par une lourde affaire il y a quelques années en arrière face à Bolène. Hein. On ne va pas revenir sur ces incidents qui avaient marqué un petit peu le club, hein, puisque ça avait été terminé avec des revolvers. Mais quelque part, aujourd'hui, ben, on retrouve un entraîneur plus calme, plus assidu. Hein, et puis, tout compte fait, une équipe d'entraîneur qui essaie de trouver sa place en CPHB. Okay. On passe ensuite à la poule B. Donc, Carpentras, Orange, 1 à 5, victoire d'Orange à l'extérieur. Dantel FC Villeneuve, 3 à 2. Avignon CFC Malocène, 2 à 1. Sorgue, Camaret 2 à 1. Égalière, Violès 2 à 1. Château-Renard, Velleron 2 à 0. Et Gadagne, Luberon 1 à 0. Le SC Orange occupe la tête avec 42 points, suivi par Espoir Sorgue 35 points. Et le FAS Château-Renard 31 points. J'aimerais juste te poser une question, Henri. Est-ce qu'en PHB, les deux premiers montent ou c'est que le premier qui est promu à l'étage supérieur? Normalement, c'est que le premier peut-être le meilleur deuxième. Le meilleur deuxième, voilà. Ce qui laisserait de l'espoir pour l'Espérance Sorgaise qui a toujours joué en PHA. Et je vois que cette année, il lutte pour essayer de retrouver, on va dire, le plus haut niveau du district Rhône du Rhin. Okay. Je ne me suis pas trompé. Non, pas du tout. Donc on va terminer. Ah, pardon. On terminera par la DH féminine. Donc l'AC Avignon jouait contre AS Cannes 4 à 1. Et le FC Monteux, le FA Marseille 0 à 1. Tu as été exceptionnel et on est très heureux que tu partages cette page foot avec GFoot 84. Top chrono, athlétisme. Alors c'est Bibi Bougon, il était très loin dans le froid, il est revenu près de chez nous. Il a eu ses heures de gloire la semaine dernière grâce au cross départemental dont Jean-Yves en a gardé quelques tartines sous la couette. C'est fait exprès. Et revenons un petit peu gentiment sur ce qui s'est passé ce week-end. Oui, mais je me suis vengé parce que dans mes valises, depuis que je suis rentré de Moscou, je vois que vous avez tous les capuches et les bonnets. Alors voilà, c'est une petite leçon. Pour revenir la semaine dernière, personne nous a appelé pour dire que j'avais eu tort quand même. Mais non, je te renvoie la balle. J'estime aussi que ta logique était normale et on est là pour en discuter. Alors, juste une dernière question, oui. Didier, pour clôturer cette discussion de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a de l'argent dans le jeu, dans la course à pied? Est-ce qu'on peut acheter? Bien sûr que non. Non, bien sûr que non. À ce niveau-là, simplement, la seule chose que je voulais dire... et c'est quelqu'un qui me l'a dit, au niveau de certains dirigeants du comité de Vaucluse, quand on est responsable sur une ligne de départ de voir quelqu'un qui n'a pas le dossard, on ne le laisse pas partir. Ah, ça c'est voilà. Ça, c'est vrai. Ah. Et là, alors, c'est pas parce que je voulais défendre Sargny, c'est non, parce non, que non, je non. pense qu'à un moment, un point partout, la balle au centre, et c'est pour ça que je voulais intervenir et en faire part. Ce qui est regrettable, c'est qu'on n'oublie pas son dossard, comme on oublie son maillot, quand on prend le départ d'une d'accord. compétition. Tu te rends compte, s'il avait oublié son slip, ça aurait été sympa pour les filles. Eh oui, c'était la carotte au bout. D'ailleurs, est là. On a Pascal Terrane au bout du fil. Allez, on va voir le... Alors ça, c'est le président de Cavaillon, c'est Monsieur Terrane. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Didier va vous prendre, on est très heureux de vous avoir ici en direct dans l'émission de Top Chrono et on va parler athlétisme avec vous. Didier en connaît tout un rayon, c'est oui. à toi Didier. Bonsoir Pascal, excuse-moi, hein, je t'avais dit 19h30 mais tu vois, j'étais encore plus vite, c'est pour ça qu'il m'appelle Bip Bip maintenant. Très bien. On va parler et discuter de ce fort beau championnat départemental qui avait lieu sur tes terres et fort bien organisé par ton club aussi. Et malgré tout, il y avait un fort Mistral mais ça nous a pas empêché d'aller vite et puis d'avoir des surprises au niveau de la course des As. Tout à fait. Alors, au niveau de ton équipe, comment tu juges la prestation? Écoute, au niveau de notre équipe, c'est plutôt sympa. On a des beaux résultats d'ensemble. Le club était beaucoup présent dans la plupart des courses. Et on a des podiums, que ce soit individuel ou par équipe, dans pas mal d'épreuves, que ce soit chez les jeunes, tels les Benjamins, les Benjamines ou les minimes filles. Et puis on a chez les adultes également de très bons résultats, puisque des garçons et des filles comme Linda Rosello a gagné le cross-court chez les masters et les seniors. Charlotte Paqueton sur les espoirs et secondes. Et puis on a également Benoît Baert qui est monté sur le podium sur le cross-court. Alors en parlant de la gente féminine, je vois que Linda Rosello, en tant que master, bon, tout le monde ne sait pas, mais c'est que maintenant l'interprétation de vétéran est devenue master. Mais elle, on peut dire qu'elle est comme le bon vin, elle se bonifie au fur et à mesure des années, il me semble. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais écoute, je crois qu'elle a également un entraînement de qualité. Elle s'entraîne beaucoup, elle diversifie beaucoup ses entraînements et ses compétitions, puisqu'elle est capable sur une année complète de faire à la fois du cross, mais également des courses sur route et également de la piste. Oui, hein, puisqu'elle a participé au championnat du monde en catégorie master, dans sa catégorie sur le 1500 mètres il y a l'année dernière. Oui. Hein, donc, et je pense que derrière elle aussi, elle a un entraînement de qualité. Avec un entraîneur, peux-tu me rappeler le nom de l'entraîneur? Alors en fait, elle a eu plusieurs entraîneurs, à la fois sur le demi-fond, donc avec Laurent Salupo, oui, que je salue puisqu'il va nous quitter pour prendre sa retraite après 50 ans de club. Hein, et donc c'est pas une mince chose. Donc il a connu l'ASC depuis le départ. Et puis également, elle s'entraîne aujourd'hui également sur la piste avec Thierry Prabonne, qui est également fort connu, hein, de tout ce qui est sprint et dans la région. Donc voilà, c'est deux entraîneurs de qualité qui l'ont façonné. Et puis elle a également une volonté également d'acier pour arriver à mener tout ça de front avec son métier, puisqu'elle est... Elle est enseignante, hein, dans la vie professionnelle. Elle est enseignante, hein. Tout autre chose, Monsieur Terrane, est-ce que vous êtes un petit peu l'organisateur du marathon de Cavaillon? Oui, alors donc c'est un semi-marathon, semi-marathon. Fait, hein, qui a lieu au mois d'avril et qui aura lieu cette année le 9 avril et qui est couplé avec un 10 km, les deux épreuves étant d'ailleurs qualificatives pour le championnat de France, c'est-à-dire mesurer FFA au mètre près. Et un parcours en plus ultra plat, ultra roulant, donc très propice aux performances individuelles et un parcours 100% urbain en centre-ville. Voilà, monsieur Terrane, voilà. J'aimerais juste revenir sur cette organisation qui est fabuleuse au niveau de ce semi-marathon. Mais que s'est-il passé? Je crois que Jean-Yves a deux questions à vous poser sur le cross. Oui, bonsoir monsieur Terrane. Bonsoir. On a longuement évoqué la semaine dernière l'incident qu'il y avait eu avec ce coureur qui était parti sans dossard. Comment vous, organisateur de ce cross, vous pouvez expliquer ce genre de choses? Voilà, est-ce qu'il y a eu de la gentillesse à l'égard d'un mec qui est connu, qui s'appelle Serghini, ou est-ce que c'est une erreur vraiment? Non, tout à fait. Alors, je ne participe pas aux décisions du jury, bien évidemment. Hein. C'est une décision au niveau du comité. Bien évidemment, le premier responsable me semble quand même être le coureur lui-même. Il sait pertinemment, quand il prend un départ de course, qu'il est, oui, qu'il doit avoir un dossard sur lui. Alors après, moi, personnellement, j'étais sur la ligne de départ. Mais je dois vous avouer que vous avez quand même sur la ligne de départ 50, 60, 70 coureurs hein, à peu près hein, par course au minimum. Et donc il est très difficile de faire attention bien évidemment au dossard de chacun. Hein, bien évidemment, ouais. Ils se mettent en ligne au départ ouais, mais justement, en une minute hein, quasiment. Justement, donc, un gars comme Serghini qui lui par contre court devant, quoi, qui est devant, devant la ligne, c'est de la responsabilité des commissaires de faire gaffe à ce genre d'événements, non? Enfin, moi, je suis rugbyman, j'imagine. Alors, que si je rentre sur un terrain sans maillot, je vais me faire gronder. Oui, au niveau des jurys eux-mêmes sur la course, ils n'ont pas forcément vu non plus hein, qu'ils n'avaient pas de dossard. Donc, vous voyez, ça se passe très très vite. Moi, j'ai vu la formation des départs de course, vous savez, 30 secondes avant, ils ne sont pas près de la ligne, et d'un seul coup, ils se remettent près de la ligne. Mm-hmm. Ce que regardent surtout les juges au départ, bien évidemment, c'est si on ne dépasse pas la ligne, si tout le monde se met bien derrière, avance sur la deuxième ligne, et après c'est le starter. Donc ça se passe vraiment en quelques secondes, très très vite, et malheureusement c'est très difficile de faire attention à tous les détails, dont les dossards des coureurs, hein, bien évidemment. Merci monsieur Terrane pour cet échange. Merci monsieur Terrane. On va passer peut-être avec Didier une petite question, parce que est-ce qu'il y avait de la course ce week-end, mon cher Tout Didier? À fait. Alors on va revenir sur le résultat. Je vais revenir juste à Pascal pour une petite chose. Je sais que Laurent va vous manquer, mais je pense qu'il partira souvent maintenant en terre sicilienne. Hein. C'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est un amoureux, puis c'est son pays là-bas, et on en discute, on se voit souvent sur les réseaux sociaux, et puis j'avais apprécié cet entraîneur. Alors maintenant, Pascal, nous allons passer au niveau d'un résultat, malgré le froid qu'il y a eu ce week-end, qui avait lieu à Montmorency, ce trail où il y a eu quand même de belles courses, puisque sur le total des deux courses, une de 12 km et de 24, on a réuni quand même 839 participants. Alors sur la toute petite course, on trouve les deux experts, dont un qui a été la semaine dernière, les deux la semaine dernière, qui a été premier, qui est Brahim El-Houssini, et qui s'impose devant son cousin qui a été disqualifié, qui est Wadif El-Wazizi. Et chez les femmes, c'est Hélène Bocquet qui s'impose, qui prend le meilleur sur Elodie Santers. Et ensuite, sur la grosse course qui est de 24 km, bah, le gros favori qu'il a, c'est Andy Simon qui récidive sa performance de 2015 sur cette nouvelle distance, puisque c'est à 24 km, et qui bat également Pierre-Hugo Romain et le vainqueur de l'édition 2016 qui est Benoît Bigot. Et chez les femmes, Alessia Coudray, qui n'est pas la première venue, mais qui a fait un super chrono, puisqu'elle est 32e au scratch. Elle s'impose en 2h07-19. Et chapeau pour cette 8e édition, parce qu'avec le temps, réunir presque 840 personnes, c'est super pour un trail. Et encore la qualité des organisateurs. La qualité des organisateurs. Parce que vraiment, c'est le monde. Et donc, à nous et aux gens disons, de l'athlétisme du cross, de montrer qu'ils arrivent à en faire autant, parce que là, ils en avaient 840, alors que départementaux, on était 600 et quelques. Monsieur Terrane, merci. Oui. On se retrouvera très bientôt, parce qu'on vous recontactera dès que le semi-marathon de Cavaillon approchera, hein, de cette date. Et puis, voilà, bonne soirée. Si c'est encore possible, juste oui, dire, à travers oui. la course de Mormoiron, en fait, qu'on voit vraiment la vitalité des courses sur route et hors stade, hein, en Vaucluse, puisque même dans les mois et quand il fait très froid en hiver, que ce soit l'Écotrail, la Cavaillon au mois de décembre, ou Châteauneuf-du-Pape également au mois de décembre, ou Mormoiron en janvier, on voit que ces courses continuent à attirer un nombre de coureurs très très important et qui se placent dans le calendrier au milieu des 75 courses qu'il y a au calendrier 2017. Donc c'est fantastique et bravo à tous les organisateurs de courses en Vaucluse. Et bravo à notre département qui marque une vitalité dans ce domaine. Eh bien, j'espère que tout le monde a très à apprécier votre analyse et surtout cette mise en valeur de ces courses hors stade. Didier, oui, encore une fois. Oui, alors Pascal, la prochaine fois, on essaiera de prendre contact et que Thierry Pradon vienne dans nos locaux, puisque c'est d'accord. un entraîneur hors pair et un prof de PS hors pair. Et je sais ouais. qu'il vous fait un super bon boulot au niveau du sprint. Dis-moi, tu m'as la pub. Oui, allons-y, à bientôt Pascal. Top chrono, sport mécanique. Ah, le sport mécanique, eh bien oui, puisque le rallye du Monte Carlo va démarrer de Monaco, le fameux rallye du Monte Carlo, 85e du nom. Je peux vous assurer que cette année, 3 écuries, 4 écuries, on va dire, de compétition sont là, puisqu'il y a bien sûr les Ford, mais il y aura aussi le Honda, il y a les Citroën, qui vont faire leur grand retour en championnat du monde avec la C3. Mais surtout, on n'en a pas trop parlé la semaine dernière, c'est bien sûr Fiat, qui revient dans le championnat du monde avec la 124. Ce sera sa première sortie dans ce rallye du Monte Carlo, 85e du nom, puisqu'ils sont plus de 116 équipages à prendre le départ de ce rallye du Monte Carlo. C'est vrai que, on va dire que les 10 premières voitures vont être très intéressantes, puisque la disparition de Volkswagen a laissé un trou béant, puisque Volkswagen avait décidé d'être 4 ans dans ce championnat du monde de WRC au niveau des rallyes. Eh bien, on connaît la firme allemande qui est très pointilleuse sur les résultats, puisqu'ils ont été pratiquement 4 fois champions du monde, et ils ont décidé de disparaître des tablettes du championnat du monde avec toutes les voitures. Il n'y a pas de Volkswagen engagé en WRC cette année, même qu'avec la sollicitation des écuries privées qui voulaient s'aligner sur ce 85e rallye du Monte Carlo. Eh bien, la firme allemande ne veut pas d'échec. Ils ont été champions du monde à 4 reprises. Ils se sont retirés. Ils ont retiré toutes les voitures, ce qui a laissé, bien sûr, Ford revenir très fort avec une WRC. Un pilote qui est déjà 4 fois champion du monde, c'est Ogier Sébastien, qui sera sur la WRC avec Ingrésia Julien. Ils porteront bien sûr le numéro 1. C'est eux qui vont, on va dire, dans les premières spéciales balayer à partir de jeudi soir. 3 spéciales au programme. Une qui sera télévisée sur nos amis de l'équipe sport. Eh bien, vous pourrez la suivre en direct. En numéro 2, on retrouvera Tamac Hott, qui lui aussi sera sur Ford. Il sera sur la WRC numéro 2. On retrouvera Evans Elfin, lui aussi sur de Grande-Bretagne, qui sera sur la Ford WRC. En numéro 4, ça sera Hyundai Sport. Cette année, Hyundai a mis la barre très haute, puisqu'il va devenir champion du monde des rallyes. Et ce sera Padom Hayden sur la Hyundai Y20 coupé WRC. Et on retrouve en numéro 5 Neville Thierry et Gilson Nicolas, eux aussi sur la WRC. Et Hyundai engagé une troisième voiture avec Dani Sordo, l'Espagnol, qui parle très bien français lui aussi. On aura le plaisir de l'avoir sur Fly FM, puisqu'on le verra en direct. Et Marty Marc, qui sera son copilote. Et bien sûr, les deux Citroën, un phénomène, c'est Chris Meek, hein, qu'on avait découvert il y a 4 ans sur une Peugeot 206. Et il avait écrit un petit peu des lettres de noblesse du côté de Saint-Jean-en-Royans dans ce rallye du Monte Carlo. Et bien, on le retrouvera sur la C3 WRC. Une voiture magnifique qui vient juste d'être découverte il y a quelques semaines sur nos confrères de TV Magazine. Eh bien, vous retrouverez aussi en numéro 8, Lefebvre Stéphane, lui aussi sur WRC. Toyota qui fait son grand retour avec Matti Jari Latvala, le Suédois, qui a laissé, bien sûr, qui était sans volant lui aussi après la disparition de Volkswagen. Eh bien, lui sera sur la Toyota Aris WRC, et on retrouvera un pilote qui avait perdu, qui était parti puisqu'il était dans l'ombre. Lui, il faisait des essais pour Love Against. C'est Haninen Juhon, pardon. Eh bien, lui, je peux vous assurer, c'est un phénomène. Là, ça me fait plaisir de le revoir. Ça me fait faire très plaisir de le revoir sur ce rallye du Monte Carlo. Il sera avec la deuxième Harris WRC. Citroën a engagé une troisième voiture avec un pilote irlandais, Greg Grinks, qui est sur la DS3. WRC, ça sera la seule DS3 qui ira dans ce rallye du Monte Carlo, puisqu'après Skoda Sport a pratiquement mis deux voitures d'usine, et eux, ils vont par contre concourir pour le WRC C2. C'est Mikkelsen Andreas qui sera sur la Fabia, dernier modèle. Je peux vous assurer que c'est une voiture fabuleuse. Et on retrouve Kopecky, pour son nom lui aussi. C'est un Polonais. Il est sur la Skoda WRC 2 lui aussi. Et puis je m'éloigne parce qu'il y aura un pilote qu'il va falloir surveiller, puisque Brian Bouffier est engagé dans ce rallye du Monte Carlo. Et il courira bien sûr sur une Ford lui aussi en WRC 2. On s'éloigne dans ce rallye du Monte Carlo pour revoir un petit peu les pilotes qui sont engagés, puisque Renault Sport aura deux voitures, deux Clio RC, avec Otas Cédric et Mathias Charles. C'est le team Renault, avec un Espagnol aussi, Peña Sourayen, qui devrait être lui aussi engagé. Malheureusement, pas de Français. Si Panzani, Luca, un Italien, non, pas du tout, un Français. Je m'éloigne pour voir François Delecourt, qui est vraiment sur une Abarth 124. C'est là la grande attraction de ce rallye du Monte Carlo, puisqu'on va retrouver un Français avec une voiture d'usine, la fameuse Abarth, qui revient en voiture, alors c'est la RGT, c'est dans la catégorie GT. On va retrouver notre ami François Delecourt. Il a 44 ans quand même. C'est quelque chose de fabuleux de le revoir au volant d'une voiture d'usine. Et je m'éloigne un petit peu pour voir, voilà, Mathieu et surtout Mathilde, Marc Gaillan, tous les deux qui seront sur la fameuse Skoda WRC2. Eh bien, c'est cet équipage que vous retrouverez sur Fly FM, puisque Mathieu et sa sœur sont, on va dire, pas des amis, mais sont presque des amis de Fly FM. Et bien on les retrouvera dans ce rallye du Monte Carlo. Le programme, lundi soir, première spéciale 20h14, ça sera entre vous Val de Chavala, 25 km, c'est dans Loubaï, 25 km. On retrouvera la deuxième épreuve chronométrée à 22h57, Bayon-Breuzien, 49 500 km à parcourir. Et ça sera l'arrivée à 25 km 9490, pardon, excusez-moi, j'avais oublié la virgule. Et on retrouvera tous ces pilotes aux alentours de 0h, entre pratiquement 0h et 0h15, ils rentreront en parc fermé à Gap. Ça sera la clôture de la première épreuve chronométrée. Le lendemain matin, on repartira pour 6 épreuves chronométrées. La première épreuve chronométrée, ça sera à 10h11. Agnès Andévolui-Moti, 24 km 600. La deuxième épreuve chronométrée, à 10h44, ça aspre les corps Chaillol, 38 km 940. Il y aura l'épreuve numéro 5, celle où c'est que Fly FM sera bien sûr au contact, puisqu'il sera 11h47 pour la première voiture qui s'élancera de Saint-Léger-les-Ménez, la Batineuve, 16 km 83. On espère que celle-là sera très enneigée. Et puis on reviendra avec un deuxième tour. Puis la dernière épreuve chronométrée, bien sûr, Saint-Léger-les-Ménez, la Batineuve. Il sera 16h04 et les premières voitures sont attendues aux alentours de 18h du côté de Gap pour, on va dire, le nouveau parc fermé. Samedi matin, on partira pour rejoindre Monaco en fin d'après-midi, puisque la première épreuve chronométrée, ça sera l'ancienne Valence-Oz, 31 km 170, épreuve numéro 10, épreuve numéro 12, puisqu'ils passeront deux fois. Et après, on prendra la direction de Lubaï pour retrouver toutes ces voitures aux alentours de, on va dire, 17-18h devant le vieux port, et on repartira le dimanche matin de Monaco pour le fameux Vésubie des Bolènes, ce qui est le col du Turini. Il sera 12h18 et les premières voitures sont attendues à 15h. La remise des prix est à 18h devant le palais présidentiel en principauté de Monaco. Je l'ai terminé, j'arrive. Ouais, Fred, tiens, on est terminé. Juste donc pour signaler qu'on sera en direct pendant jeudi et alors jeudi soir, on sera bien sûr sûrement en direct depuis la salle de presse de Gap, où c'est qu'on vous donnera bien sûr les premiers résultats. Ça sera un petit peu tard, ça sera dans un tour de 21h. Gilles, j'ai fait des gros yeux pour savoir s'il sera là. Et vendredi soir, par contre, on sera en léger décalé, on l'espère à 18h, parce que ce sera assez compliqué pour rejoindre, puisque d'après mes notes, eh bien, je peux vous assurer que de partir à 17h du côté de Saint-Léger-les-Mélèzes pour rejoindre Cap avec, on va dire, à peu près 10 km de bouchon, comme chaque année, ça sera très dur pour nous d'être pas avant 17-18h en direct, 18-19h en direct de Cap pour vous donner les premiers résultats des premiers arrivants de cette, on va dire, journée alpestre. Ouais, juste pour signaler que il y a très longtemps que le rallye Monte Carlo n'a pas été aussi ouvert, avec aucune voiture qui prend le dessus. Il n'y a pas vraiment de grosses autos avec, en tout cas il y a de très grosses autos, mais il n'y a pas d'usine qui a mis énormément de moyens comme a pu le faire Volkswagen depuis quelques années. Alors là, je vais juste un petit peu revenir en arrière parce que j'ai regardé tous les essais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 320-310 chevaux sur les voitures, et on s'est inspiré de la Formule 1 parce que toutes les voitures ont un aérodynamique très impressionnant. On est allé chercher des outils de la Formule 1 qu'on a adaptés sur ces voitures. Je peux vous assurer que ça va être sublime, et c'est pour ça que ce Monte Carlo devient attrayant, parce que tu as dit, qui est vrai, mais ce qui est encore plus sublime, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des voitures aérodynamiques, qui vont avoir cet aspect un petit peu de Formule 1 du rallye. Et toutes ces voitures sont nouvelles, et c'est ce qui fait l'attrait de ce Monte Carlo, qui reste très ouvert, certes, mais très beau à voir. Ouais, toutes ces voitures nouvelles, mais pour le moment, toutes ces voitures qui n'ont jamais pas ou peu roulé en compétition, pilotes qui ont changé d'écurie, des écuries qui sont devenues des écuries semi-privées, je pense notamment à Ford qui a engagé le champion du monde Ogier. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Et puis j'attends avec impatience le retour de Delecourt sur la 124, qui fait pas de bruit, qui a la semaine dernière, son nom m'avait échappé, je m'en excuse, mais voilà, Delecourt qui a énormément roulé pendant l'hiver, et qui continue d'ailleurs à rouler beaucoup, et ça nous promet vraiment un spectacle de folie. J'ai hâte d'y être, et je pense que toi aussi. Ouais, moi aussi, parce que bon, le retour de Joanne à Aninen, de Chris Mick. Joanne Aninen, juste pour schématiser, juste avant de terminer, je dis toujours que lui, avant de prendre une voiture, il pose le cerveau, parce qu'il n'en a pas besoin, tellement le spectacle est à la hauteur. Et là où c'est que des fois, il y en a qui lèvent un petit peu le pied, lui, il accélère encore un peu plus, et quand il sort, ben, il vaut mieux pas être au bord de la route. Hein. La suite. Eh bien, c'est la minute dont je raffole, moi, chaque fois, puisque Marie, elle est vraiment exceptionnelle dans cette minute d'horizon, où c'est que l'on a donné tous les rendez-vous. Alors, des fois, c'est culinaire, des fois, c'est des rendez-vous sportifs, et même, c'est des matchs. Eh bien, souvent, on parle de Mazan, parce qu'on va les retrouver maintenant pendant pratiquement 27 minutes à nos côtés, 37 minutes à nos côtés, pour parler, bien sûr, de ce handball de Mazan. Mais pour l'instant, c'est horizon. Alors, je vais vous parler d'abord de la randonnée VTT du Mur de la Peste à Lagnes. Ce sera ce samedi 21 janvier. Cette randonnée VTT accueille chaque année plus d'un millier de participants sur 4 parcours de 15, 25, 35 ou 45 km, plus un circuit pédestre de 12 km. La manifestation se déroulera au départ de la salle de la Grange à partir de 7h30 du matin, et la clôture est fixée au même endroit à 16h. Toujours dimanche, non, ça c'était le 21, c'était samedi. Maintenant, je vais vous parler du dimanche. Ce sera les régionaux de Cross PACA Ouest qui se dérouleront au Ponté. Si vous voulez aller soutenir tous ces coureurs, vous pouvez y aller, malgré le vent, malgré le froid. Couvrez-vous bien. Sinon, si vous préférez aller du côté de Bolène, ce sera la foulée tricastine avec un 11 km et un 20 km. Le parcours est vallonné et alterne route et sentier. Et vous fera découvrir la colline du Chameau au milieu des chênes truffiers, des cistes, du thym. Parcours agréable, abrité du vent, mais sélectif. Vous traverserez les communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Clansailles, Solérieux et Saint-Restitut. Toujours le 22, si vous préférez aller un petit peu plus haut dans la Drôme, ce sera l'hivernale à Upi. Deux treilles dans les bois de Miéry, 6,5 km, 12 et 19 km. Un parcours initiatique à la course nature plus sportif avec des montées sèches, des singles pour le plaisir des coureurs amoureux de la nature drômoise. Si vous préférez le cheval, eh bien, du 18 au 22, sachez que vous pouvez retrouver la 32e édition de Cheval Passion qui se déroule à Avignon. Et si vous préférez les randonnées plutôt, on dira, rando bistrot, ça sera du côté... Je vois... Non mais je vois Jean-Yves qui me regarde de côté, là, avec un grand sourire. J'ai absolument là. Rien dit. Donc je vais vous reparler de la rando bistrot. Il est devenu argenté, tout compte fait, lui. Je l'avais dit que j'allais devenir gentil, tu vois. C'est une semaine en retard. Donc ce sera la rando bistrot autour du Diamant Noir à Crillon-le-Brave qui se sera ce dimanche 22 avec un concept initié par la Fédération des Bistrots de Pays en partenariat avec le syndicat mixte du Mont Ventoux et l'agence Provence Authentique qui allie une randonnée accompagnée par un professionnel diplômé, une rencontre avec un agriculteur ou un artisan local et un repas de terroir dans un bistrot de pays. Ce dimanche 22, ce sera à Crillon-le-Brave. D'accord, quelle heure? Eh bien, le matin, tu chemineras autour du village. Non, on ne veut pas cheminer, on va arriver directement. On va dire... Non, on ne veut pas cheminer, tu le sais qu'on ne veut pas cheminer. Pour ouvrir l'appétit, il faut marcher, Marie, on ne veut pas cheminer, on va arriver directement là où il faut. Eh bien, alors, tu iras dans le petit bistrot du pays, le Saint-Roumain, à Crillon-le-Brave, voilà. Vers midi. Voilà, parfait, nickel. Voilà. Et ce sera M. François Mossoun qui sera le chef et qui te préparera un repas aux truffes. Parfait. Et après l'après-midi, il faudra remarcher à nouveau. Hein. En voiture. Voilà. Et sinon, une autre info, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est désormais officiel. Le Vauclusien Brice Caudron sera à l'affiche le samedi 11 février de la 10e édition du Star Night, organisé par Mohamed Amara à la salle des sports Maurice Piau à Vitrolles. Brice Caudron sera opposé à Charles François, un affrontement bouillant en perspective. Par ailleurs, Eddy Naït Slimani aura autre pensionnaire du team. Ah, j'ai plus de rien, j'ai plus de. Ouais. Oh, si, du team blanc pourrait lui aussi prendre part au gala. Donc retenez la date, ce sera le 11 février et ce sera à Vitrolles. Mais qu'est-ce qu'on va se régaler? Mais nous aussi, on va essayer de voir Brice Caudron pour pouvoir parler de ce grand rendez-vous parce que je suis très très très très heureux de retrouver Brice Caudron avec l'envie de, encore une fois d'être sur les rings. Qu'est-ce qu'il en passe, Jean-Yves? Moi aussi, Fred, je me languis de revoir Brice massacrer un type parce que on était un peu resté sur notre fin il y a quelques semaines et nul doute que Brice doit préparer ce combat avec beaucoup beaucoup beaucoup de rigueur. Maintenant, arrive un petit peu l'apogée de cette émission. C'est bien sûr ce soir, focus gros plan sur ce club de Mazan au féminin, puisque c'est du handball National 3, un club qui a su pérenniser, et on l'espère, cette National 3, qui leur manquait pour que la vitrine soit complète, parce qu'au niveau de la formation, au niveau des jeunes, on a prouvé l'efficacité et surtout, la on va dire, les yeux tout reluisants des grands clubs qui viennent un petit peu chercher et venir recruter des futures joueuses qui jouent au plus haut niveau aujourd'hui. L'équipe de France de handball au masculin, par contre, ont attaqué leur championnat du monde. On va en parler avec nos invités parce qu'on est très heureux de les avoir avec nous. Carl Vinsono, entraîneur et un petit peu le manager de toutes les équipes de Mazan, mais aussi du comité départemental. Et il m'en compte dira si je n'ai oublié. Et par contre, à côté de lui, un homme grand dans le handball. Il a tout, c'est Pascal Vassé, on se connaît depuis 8 ans et chaque fois que je claque des doigts pour qu'il vienne dans les studios, il vient avec grand plaisir. Il est animé par une passion que personne ne peut lui enlever, le handball, c'est quelque chose qui transpire à travers ses mots. Il aime ce club, il aime faire progresser toutes ses filles qui jouent aujourd'hui dans les plus grands clubs de France. Eh bien, messieurs, premièrement, on va commencer par... le plus ancien, le plus capé, c'est Pascal Vassé. Bonsoir Pascal, encore une fois. Bonsoir Fred. On est très heureux de t'avoir avec nous. Et moi également, je viens toujours avec plaisir pour partager ta passion. Donc voilà, je ne peux pas refuser de venir. Je ne peux pas refuser, c'est pas possible. C'est très gentil. Carl, bonsoir. Tu es arrivé, bonsoir. On connaît toute ta qualité d'entraîneur et tout ce que tu transpires, puisque bon, tu es venu à Mazan pour relever le défi de la paix, pour pérenniser, on va dire, la vitrine du club en National 3. Cette année, encore une fois, l'année dernière, on y a cru qu'on allait presque se qualifier. cette année, on a peut-être passé, on va dire, le côté mou, comme on dit, le moins bien de ces filles dans ce championnat, puisqu'on est reparti vers le haut, puisque vous êtes seconde ce soir dans ce championnat de National 3. Ouais. Ouais, mais comme chaque année, je suis toujours très modéré sur ces périodes-là. On est deuxième, c'est vrai, en décembre. On est deuxième à 5 points du premier relégable, donc c'est pas non plus... C'est pas non plus la gloire, hein. Le matelas est réduit quand même par rapport aux autres équipes. Donc voilà, on est mesuré, on est content. C'est toujours mieux que d'être en TP nultième, ça c'est clair. Mais bon, ça reste encore un championnat ouvert et il va falloir faire attention et rester constant, comme on l'a fait depuis le début jusqu'à la fin de l'année. Et ce qui me plaît, moi, dans ce côté, on va dire que tu es assez modeste dans tes paroles, c'est qu'aujourd'hui... Pas tout le temps, hein, Oui, c'est vrai que des fois, tu es dur. Mais soyons clairs, la qualité de ce club, c'est la formation. Ça veut dire qu'avec les joueuses du club, tu arrives à rester en National 3, et ça veut dire que la formation a monté d'un cran derrière. On est devenu, pas championnite, mais compétitif. Alors ça c'est clair, je ne vais pas en parler, mais non, c'est clair depuis 4 ans là, depuis le travail de Vincent qui est le salarié du club, on récupère des jeunes filles qui sont prêtes à rentrer sur le niveau National 3 et ça c'est super. Donc quand les jeunes de moins de 18 nationales viennent filer un coup de main aux grandes ou à la National 3, bah, elles ont du temps de jeu, elles performent. Donc voilà, c'est super. Pour l'instant, on se régale avec ces jeunes. On leur donne du temps de jeu, on leur donne des initiatives, des responsabilités. Elles les prennent et ben c'est super. Ça nous laisse présager des bonnes choses pour la suite. C'est vrai que sur le groupe, sur l'ensemble du groupe, j'ai qu'une non-vauclusienne. Alors il y a les filles de Mazan qu'on forme à Mazan, mais il y a aussi les filles du Vaucluse qui viennent à Mazan en moins de 16 ou en moins de 18. Mais je sais, je connais. Et donc c'est Mazan, c'est sûr, mais aussi la formation vauclusienne qui est, comment dire, récompensée par les résultats du club quelque part, quoi. Je suis content. Juste avant de revenir avec toi, Karl, je vais revenir avec Pascal Vassé, parce que Pascal, on se connaît depuis longtemps. C'est vrai que ce club, à un certain moment, quand même, il est arrivé à l'apogée. Peut-être aujourd'hui, vous êtes supérieur en licence par rapport à il y a une dizaine d'années, où c'est qu'à un moment, presque, il y avait presque 400 licenciés dans ce club. Pascal, tu as pris un petit peu du recul, tu as pris de l'ampleur, parce que tu as un moment, tu étais, on va dire, au four et au moulin, tu t'occupais un petit peu d'entraîner. Et il fallait à la fois aussi faire de la formation pour les jeunes. Aujourd'hui, l'équipe 1, c'est plutôt qui t'en occupe. Tu la chapeautes juste, tu chapeautes tout ce club. Et quelque part, ça apporte une valeur ajoutée, me semble, à ce club pour le fonctionnement. Est-ce que je me trompe? Alors, un petit peu, parce que l'équipe 1, je ne m'en occupe plus du tout. Je fais entière confiance à Karl et puis à Vincent Lega, qui est le responsable technique du club et plus particulièrement responsable des moins de 18. Donc sur le plan du technique, au niveau du terrain, je ne m'en occupe plus du tout. J'ai d'autres fonctions au niveau du club. Qui a apporté le plus, non? Ben écoute, j'essaie en tout cas de mettre de la coordination entre les différentes commissions. J'essaie d'œuvrer pour trouver de nouveaux partenaires, parce que ben, le nerf de la guerre, on le connaît tous, c'est les moyens financiers. On a la prétention de maintenant de pérenniser le niveau National 3 et pourquoi pas d'aller voir au-dessus. Bon, mais pour ça, il faut préparer les choses et il faut de nouveaux moyens financiers. N'oublions pas que nous sommes à Mazan, grande commune, petite ville de 6000 habitants, et donc avec des moyens qui sont forcément limités si on veut se donner des moyens pour pouvoir exister au niveau supérieur. Donc l'objectif, c'est de préparer ça justement en coulisses, quoi. Voilà. On a 30 minutes pour parler de tout ça. Pascal, est-ce qu'il est prévu à Mazan, parce que on va pas commencer à parler du gymnase qui est pas adapté, mais aujourd'hui, quand on voit le nombre de matchs qui se passent dans ce gymnase, parce qu'il n'y a pas que l'équipe 1, je connais tout le travail de la formation, vous avez des joueuses, des équipes d'handball à tous les niveaux, il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui, on a la filière complète en jeunes et avec les meilleurs niveaux de jeu possibles. à tous les niveaux, puisque les moins de 18 jouent en championnat de France et les moins de 16 ans jouent dans un championnat méditerranéen. Est-ce qu'un projet d'un grandissement du gymnase, d'une refonte du gymnase pour avoir des tribunes, pour pouvoir... Ça a été évoqué quand on voit un petit peu l'ampleur que prend le handball à Mazan, parce que on ne se l'est pas caché, on se l'est déjà dit. Il y a des joueuses d'autres clubs qui veulent évoluer et à un certain moment, j'entends Mazan dans leur bouche. Pourquoi ? C'est parce que peut-être ça plaît, parce que peut-être Karl est là aussi, parce qu'il échappote toutes ses filles dans le département aussi. Le club est attractif, je pense, par rapport à la qualité de la formation. C'est évident. Les gens viennent de Valréas, de Cavaillon, d'Apt, de Sorgue pour jouer à Mazan. C'est les niveaux de jeu, c'est l'attractivité par rapport à l'encadrement sportif, à l'encadrement technique. Maintenant, pour revenir à la salle, je pense que M. le maire, s'il nous entend, serait plus à même de te répondre que moi. Nous avons fait part récemment de besoins parce que effectivement il faut que cette salle soit réaménagée. Elle mérite de quelques travaux pour pouvoir permettre au club et aux bénévoles d'évoluer dans de meilleures conditions. Ça, c'est une évidence. Bon, après voilà, les choses ont été présentées au maire de Mazan, M. Navello, qui a d'ailleurs créé le club il y a 40 ans maintenant. Et donc, je pense que dans la mesure où les choses seront possibles, on a bon espoir de voir des choses arriver prochainement. Oui, parce qu'on a vu une belle salle qui est... Justement. Ouais, cette belle salle qui est magnifique, là aussi qui s'est passé les combats de boxe. La boiserie. Ah, la boiserie. Justement, comment ça se fait que, par exemple, vous n'arrivez pas à délocaliser une paire de gros matchs à la boiserie, par exemple? La boiserie n'est pas du tout faite pour accueillir du handball. C'est trop petit. C'est trop petit, oui, les dimensions ne correspondent pas. On ne peut pas mettre un 40 par 20. Donc, de toute façon, c'est pas du tout possible. Et puis, cette salle n'est pas du tout faite pour ça. Alors, ils se sont d'ailleurs posé beaucoup la question avant d'y accueillir la boxe. Ils ont fait une première tentative, apparemment, qui a été une réussite. Donc, je pense que ce sera renouvelé. Mais ce sera le seul événement sportif qui sera organisé dans cette salle qui est voué à d'autres manifestations. C'est pour ça que je posais cette question, parce que on peut pas, le maire, je suis même certain qu'il est à fond derrière, puis il ne peut pas ignorer quand même qu'aujourd'hui, vous avez quoi, pour ça, une identité malheureusement à valoriser, et il faut des infrastructures à un certain moment pour permettre de continuer ce travail qui est très bien fait pour l'instant. Tout à fait. De toute façon, c'est l'attractivité passe aussi par des installations dignes de ce nom. Donc, il est évident qu'à un moment donné, il va falloir que les choses évoluent à ce niveau-là, qui est en tout cas que des travaux soient pensés pour donner de l'attractivité à la salle. Quoi. Combien de matchs tiennent dans cette salle par semaine ? Entre les entraînements, juste pour donner une idée. On est le seul sport co à utiliser la salle. Donc tous les soirs de 17h à 22h de la semaine, on utilise le COSEC pour les entraînements. Comment ça passe le mercredi après-midi et le week-end, samedi et dimanche. On joue sur les deux jours, quoi, quasiment tout le temps. À pleine journée. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, et puis il ne faut pas oublier. Mais on a la chance de le hand de Andy, puisqu'on avait. On avait reçu l'an dernier la fille qui s'en occupe, Sunny, me semble-t-il. Sunday, ouais. Et donc voilà, ça occupe un petit peu d'espace dans le gymnase. Moi, ma question, c'était comment vous avez, au fil du temps, fait pour... Alors, il y a la formation, il y a l'environnement, etc. Mais vous êtes devenu maintenant le porte-drapeau du hand féminin dans le Vaucluse. Place qui était occupée, si je m'abuse, par Avignon et Apt il y a quelques années. Comment ça s'est passé? Vous avez petit à petit pris le pas sur ces équipes-là. Il y a quelques années, les nanas qui étaient bonnes rêvaient que d'un truc, c'était d'aller jouer à Apt. J'en connais une paire qui sont allées et qui avaient fait le déplacement. Et puis maintenant, les nanas qui sont bonnes et qui ont envie de continuer à progresser, le seul endroit où elles veulent aller, c'est à Mazan. Comment ça s'est fait? Formation? Formation, on a commencé par le commencement. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'école de handball, on a commencé par les petits. Et ça a été vraiment notre préoccupation numéro un. Et au fil des saisons, on a professionnalisé l'encadrement. On lui a donné de la valeur ajoutée sur le plan de la qualité, puisque on a à l'heure d'aujourd'hui, non pas un développeur. Le premier salarié était en 2000, était un développeur. C'était un jeune qui intervenait dans les écoles. Bon, pour gonfler l'école de handball, quoi, pour faire venir des gens à l'école de hand. Aujourd'hui, Vincent Lega est expert fédéral, donc c'est un technicien de vraiment de grande qualité et qui, lui, est beaucoup plus précis, évidemment. Là, on n'est plus au stade du développement, on est au stade du perfectionnement. Et donc ça, c'est ce qui a fait que progressivement, on est devenu attractif chez les jeunes avec des résultats. Et puis évidemment, quand on a des résultats chez les jeunes, à un moment donné, l'équipe première, elle aussi, avance, même si c'est pas facile, parce qu'on est dans le Vaucluse, et parce que y a peu d'écoles qui sont attractives ou suffisamment connues des jeunes vaucluziennes. Et les jeunes, chez nous, malheureusement, souvent, préfèrent aller faire leurs études à Montpellier ou à Marseille plutôt que de rester ici. Bon, on en garde quand même suffisamment pour jouer en National 3 et j'espère très rapidement un niveau supérieur. Pour être honnête, je connaissais la réponse, mais c'est un peu mon cheval de bataille aussi. J'en ai déjà parlé des dizaines de fois ce micro. Et je passe mes semaines à m'insurger contre ces faux clubs qui sont montés de toutes pièces avec des mecs qu'on prend à droite à gauche, qui ne durent pas, qu'on n'arrive pas à pérenniser. Donc je connaissais la réponse, votre réponse, je la connaissais. Et bravo, tout simplement, bravo, parce que c'est, d'après moi, le seul moyen de durer. On parlait tout à l'heure en rugby de Lille-sur-Sorgue. C'est la façon qu'ils ont utilisée pour monter des petites divisions jusque là où ils en sont maintenant en Fédéral 3. Et ça fait du bien d'entendre ça de la part de dirigeants sérieux, entre guillemets. C'est aussi l'objet de mon coup de gueule tout à l'heure pour le basket. C'est bien qu'il y ait des mecs responsables comme vous, comme Karl, et qui fassent le boulot en amont avant de vouloir briller avec des équipes montées de toutes pièces. Alors, pour aller plus loin, c'est aussi une étape, c'est-à-dire que on n'a pas envie de s'arrêter là, on a envie de continuer de construire. Mais forcément. En s'appuyant toujours sur cette école de handball, sur la formation, sur la structuration du club d'une manière générale, c'est-à-dire en s'appuyant sur des compétences diverses et variées pour être capable de monter des dossiers de subvention, être capable d'aller chercher de l'argent, de rentrer en contact avec des chefs d'entreprise qui vont nous aider. Enfin, c'est tout un tas de choses qui font appel à des compétences bien précises. Et mon boulot, en fait, pour répondre à la question de Fred tout à l'heure, c'est ça, c'est aussi d'aller essayer de chercher les gens qui vont amener des choses supplémentaires au club, à son fonctionnement et à son développement. Ce qui a donné une vraie structure à ce club. Revenons, tiens, je vais juste vous couper, messieurs, on va revenir un petit peu du côté de Karl Vessonneau, parce qu'on est à peine compétition en ce moment avec cette équipe de France qui va nous apporter du bonheur, je l'espère, en masculine, un titre. On espère un titre en France. Il y a une équipe formidable, de toute façon amenée par Nicolas Karabatic, qui encore hier a montré que sans lui c'était toujours un peu compliqué. Mais voilà, on espère qu'il va tenir l'ensemble de la compétition, parce qu'il a un jeu quand même qui nécessite énormément d'énergie et qui va au combat. Donc on espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et Didier qui a des cousins, alors vas-y Didier. Oui, qu'est-ce que tu penses là dernièrement, malheureusement, de son frère qui s'est blessé et qui est out pour le tournoi? On en revient à la discussion qu'on avait là à l'instant sur la formation. La formation française est une des meilleures du monde. Je crois que celui qui arrive derrière, comment il s'appelle, le petit pivot de Montpellier, Fabregas a montré que pour l'instant il a juste été énorme quand il a fallu faire appel à lui. Ouais, exactement. Bon, maintenant est-ce qu'il va durer? On espère. Mais bon, il est champion du monde et champion d'Europe en jeune. Il a été un des grands joueurs des équipes jeunes. Il n'y a pas de raison que sur l'équipe première, il ne fasse pas l'affaire. Après, c'est triste parce que si la France gagne, je pense que Nicolas aurait aimé et Lucas auraient aimé être champion du monde ensemble. Voilà, mais il le sera puisqu'il a joué. Après, je ne sais pas. Mais bon, je crois que clairement, enfin, de ce qu'on voit, nous, on n'est pas intime non plus, mais C'est une équipe qui a du caractère, qui a envie de gagner, qui a déjà gagné, qui a encore envie de gagner. Et c'est des morts de faim au niveau des titres internationaux. En tout cas, c'est une belle vitrine pour notre sport. Je trouve que la Fédé communique de mieux en mieux autour d'elle, et ça, en tout cas, ça fait plaisir. On a l'impression que c'est un sport de mecs intelligents, le hand. Non mais ça fait plaisir. Au-delà de ça, c'est un sport où les dirigeants sont des mecs intelligents. J'écoutais cet après-midi Bernard Salle, qui est un ancien rugbyman et maintenant patron de la Ligue. Et tous ces projets-là, alors bien sûr on parle du Paris Saint-Germain, mais c'est un épiphénomène, mais on a l'impression que c'est Claffy, de mecs intelligents qui pensent à gagner des titres là maintenant, mais qui, en même temps qu'ils gagnent des titres, ont à l'esprit de vouloir pérenniser le truc. Et il n'y a jamais de cassure entre les générations. Je pense que les gens savent d'où ils viennent, comment a progressé le handball au fil des années. Ouais, c'est un sport scolaire fondé par des instituteurs, par des instituteurs. Et je pense qu'il y aura toujours cette filiation qui est encore là. Le président, ça reste un enseignant, un ancien enseignant. Ouais, justement, aussi. Carl, je connais un mec qui est parmi nous, là, qui s'occupe d'un sport scolaire, le sport le plus pratiqué à l'école, qui s'appelle Didier Bougon. Et ils n'arrivent pas, eux, à avoir ces générations en continu. Ils n'arrivent pas à pérenniser le truc. Alors que au hand, quand Richardson s'est arrêté, on a dit oh, c'est la fin du monde, ça ne pourra plus le faire. Et bien, si ça l'a fait, il n'y a pas eu de cassure. Quand Martini s'est arrêté il y a 20 ans, on a dit bon, on a perdu le meilleur gardien du monde, boum, on nous sort au meilleur. Là, maintenant, au meilleur joue moins, on nous sort le meilleur joueur contre le Brésil, me semble-t-il. Ouais. C'est le remplaçant de nos meilleurs, mais ça ne s'arrêtera jamais. Quoi. Mais tant mieux. Et il y a de super équipes de jeunes, de France, jeunes, les U17 et U19. Il y a vraiment, vraiment de super joueurs. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui pointent leur nez au niveau de l'équipe de France A. Dont le fils Richardson qui va, qui va pas tarder à émerger. Mais il y a vraiment un wagon de jeunes joueurs de grande qualité. Donc on a cet approvisionnement, entre guillemets. Là, vous voulez trouver ces mecs intelligents, parce que nous, au rugby, on n'en a pas. C'est lié au Maya. Alors déjà, au rugby, vous êtes maintenant surtout dans des centres de... La formation, elle est surtout faite par les clubs et directement par les centres de formation. Nous, je pense que, enfin, je me trompe peut-être, mais le maillage des pôles espoir sur l'ensemble du territoire français, alors on a la chance que pour nous, ça fonctionne encore comme ça, même si aujourd'hui, il y a les changements de région, mais pendant un certain nombre d'années, chaque région avait son pôle, donc il y avait une proximité vis-à-vis entre la structure formation de haut niveau et la structure et les clubs, donc il y avait une véritable, proximité, donc des échanges entre ces structures-là, et puis les meilleurs allaient au niveau. Donc franchement, je pense que c'est lié aussi à la réussite globale de la formation française. Maintenant, on va fonctionner un petit peu différemment, mais on essaye de garder cette proximité. Ouais, la base est là quand même, parce que même chez les filles, c'est le même phénomène, ça continue à tourner, il n'y a pas de rupture dans la génération. On a les mêmes moyens en filles et en garçons, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. La différence serait le nombre de licenciés. Il y a beaucoup plus de licenciés garçons sur les 500 000, il doit y avoir 350 000 garçons à peu près et 150 000 filles. Carl, revenons deux secondes, parce que cette discussion était très intéressante il y a quelques secondes. Revenons un petit peu au département. Comment se comportent un petit peu toutes les filles? Parce que je sais que toi, tu as plusieurs capes à mon arc, c'est ça. Arc, c'est le cas de le dire, chercher les mots, messieurs. On a parlé bien sûr des filles de Mazan. Ouais. Je sais que tu chapeautes un petit peu le département. Je suis Pascal et mon président de commission technique au comité. Voilà, c'est pour savoir un petit peu l'état. Je suis en charge donc de la filière féminine dans le Vaucluse. L'état du handball féminin dans le Vaucluse, il est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un tiers de la population des licenciés du Vaucluse, les licenciés féminins. Chez les jeunes, une génération, récemment on a fait un regroupement d'une génération, les 2005, ça correspond à 80 jeunes filles qui sont nées en 2005. Alors si on prend les garçons, et ben c'est trois fois plus globalement. Et au niveau compétitif, et ben, c'est comment, au niveau régional, on est, alors au niveau régional, on est numéro un puisque les Bouches-du-Rhône sont derrière nous depuis 4 ans. On finit généralement. Alors on n'a pas réussi à passer le cap. Je croise les doigts pour cette année aller sur les finalités à Paris. On trébuche sur la dernière match depuis 3 ans aussi. Donc voilà, j'ai une bonne équipe d'entraîneurs enfin, qui viennent de plusieurs clubs, Sorgue, Valréas, Bolène, Apt, Mazan, bien évidemment. Et voilà, dynamique, et puis on a des envies, les jeunes filles répondent bien, ont envie aussi, donc ça tourne bien. Tu penses qu'on va écrire une histoire ? On fournit presque la moitié du pôle, donc on est content, ouais. Tu penses qu'on va écrire une histoire avec le Vaucluse, histoire avec le Vaucluse ? Eh ben, en tout cas, on est là, enfin moi je suis là pour ça. Donc je suis pas venu là pour regarder les choses se faire, et j'ai envie depuis des années de faire quelque chose avec les jeunes filles du Vaucluse. Juste avant la pub, peut-être Pascal, tu vas rajouter quelque chose. Oui, je voulais simplement intervenir sur le fait que la Ligue Provence-Alpes va fusionner avec la Ligue Côte d'Azur. Et à l'heure d'aujourd'hui, le Vaucluse existe vraiment par rapport à l'entité Provence-Alpes, puisque on est notamment, Mazan est reconnu pour sa formation, mais l'ensemble du comité est reconnu pour le travail de formation qui est fait sur les jeunes. Et cette ligue qui va devenir Côte d'Azur, ben forcément va être un petit peu déséquilibrée vers le sud-est. Donc ben ça, on est en train de s'interroger en ce moment par rapport à ça. On va y revenir, on va juste passer la pub parce que ça vient de sonner, c'est parce que c'est Monique qui veut passer la pub. Et on revient parce que c'est très intéressant ce que tu es en train de nous dire. Allez, ce soir, on est bien sûr avec le club de Mazan. On a pratiquement élagué dans ce sport qui est le handball. On a parlé bien sûr des garçons de cette Coupe du Monde qui se déroule à l'heure actuelle. Mais surtout, on est revenu un petit peu dans le régional. Il y a quelques minutes, Pascal Vassier nous disait qu'il y a deux identités qui vont s'assembler, deux fortes, on va dire, régions, hein, où c'est que le handball est bien présent aujourd'hui. Hein. Bah, c'est au féminin. Hein. Non, féminin et masculin. C'est la Ligue de Provence-Alpes et la Ligue de Côte d'Azur vont fusionner. Donc mon propos était de dire que la Ligue de Côte d'Azur est relativement riche, entre guillemets, et notamment avec des clubs de haut niveau, tels que Nice et Toulon. Riche financièrement. Et la Ligue Provence-Alpes, il y a simplement Plan de Cuc en D2. Ensuite, on a des clubs de national, dont Mazan. Et finalement, nous, dans le Vaucluse, on est en équilibre avec. On joue à égalité avec les Bouches-du-Rhône. Alors, le truc dont je parlais. Dans le département. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle ligue va faire que ça va être beaucoup plus difficile d'exister par rapport au territoire, et puisqu'on va être relativement isolé au nord-ouest. Donc c'est à nous de penser à ça pour justement faire en sorte qu'on ne nous oublie pas et qu'on soit toujours présent sur la scène PACA. Et le travail de Pascal et le travail de Karl qui va être très important, parce qu'il va falloir pouvoir sélectionner, parce que bon, on va représenter pratiquement un grand territoire de handball, oui. Pour pouvoir sélectionner, parce qu'il n'y a pas 42 joueuses qui vont être sélectionnées pour après apparaître sur la feuille de match, pour pouvoir défendre Bien sûr, pour être, là, ça va être difficile, pour être représenté au niveau régional de la nouvelle région, et il va falloir qu'on soit encore plus costaud dans la formation, et voire mutualiser des moyens, etc. Donc c'est des choses auxquelles on essaie déjà de penser, parce que pour exister justement il va falloir qui c'est qui va mener un petit peu ce binôme là qui va être ce binôme qui va être créé quand d'une seule identité, qui c'est qui va diriger un petit peu. Alors, c'est toujours toi, on garde un petit peu la main dans le Vaucluse de cette identité. Non mais l'identité en fait au niveau régional il y a plusieurs strates en fait en fonction des âges. Il y a une strate départementale quand on est en quatrième. D'accord, les jeunes filles qui sont en quatrième, elles restent sur les strates départementales. Pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ça s'appelle l'équipe de la sélection comité, où on va rencontrer l'ensemble. Il y a une compétition nationale où on va rencontrer les autres comités. Alors pas forcément de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais d'une bonne partie de la France, pour aller sur des finalités. Il y a 3 tours pour aller jouer les finalités à Paris. Une fois qu'elles ont fait cette année-là, les jeunes filles vont être reversées vers l'équipe Ligue, qui va représenter actuellement la Provence-Alpes, mais dès l'an prochain, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc avant, sur 4 départements, on prenait 14 filles. Maintenant, sur 6 départements, il va falloir prendre 14 filles. C'est là qu'il va falloir exister. C'est-à-dire que nous, on fournit actuellement une bonne partie presque une moitié de l'équipe Ligue Provence-Alpes. Il va falloir que nos jeunes filles vauclusiennes puissent représenter convenablement le Vaucluse au sein de cette équipe de Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il va falloir que nos jeunes filles intègrent la structure Pôle, qui en est un nombre suffisant. Combien de sélectionneurs tu fais partie de ces sélectionneurs ou vous avez pour plusieurs? Pour le pôle, oui, parce que je suis entraîneur aussi au pôle de Marseille, donc je fais aussi les entrées au pôle. Mais pour l'équipe Ligue, c'est en l'occurrence mon alter ego du club de Mazan, Vincent Lega. Qui est un des deux entraîneurs de la sélection Ligue, qui lui fait les sélections des jeunes filles pour l'équipe Ligue, et qui sera, je crois, sur l'équipe Côte d'Azur l'an prochain. Ça va être... Donc après, on essaye d'être le plus objectif possible. On ne fait pas les choix en fonction des lieux d'où viennent les jeunes filles. On fait en fonction des niveaux, bien évidemment. Vous disiez que le land était un sport intelligent, tu vois. Mais je crois que le rugby va peut-être le devenir. Et donc, à nous de proposer et de former au mieux les jeunes filles pour qu'elles accèdent, parce que souvent c'est des objectifs aussi personnels pour les jeunes filles, de pouvoir être professionnel ou de pouvoir aller le plus loin possible. Donc à nous de faire au mieux pour les accompagner dans leur projet personnel, si elles ont envie d'aller au plus haut possible. Donc c'est notre travail à nous au quotidien d'en faire des jeunes filles, des jeunes femmes épanouies et autonomes, et éventuellement des sportives de haut niveau, intelligentes et oui, parce qu'on en a cette qualité quand même à Mazan, et de créer et de découvrir des talents qui aujourd'hui jouent en première division, et si je peux m'exprimer comme ici, qui sont sortis de l'école de Mazan, quoi. Quelques-unes sont passées par Mazan, oui. Dounia Abdourahim qui joue à Toulon actuellement en première division. Morgane Panquin qui était gardienne de but, qui est partie au centre de formation et qui a fait quelques apparitions avec la première division de Toulon également. Et puis d'autres, dont une qui est passée par Nantes, et j'oublie le nom à l'instant, mais bon voilà. Après on a des jeunes filles dans les équipes de France jeunes qui sont fréquemment, donc voilà. C'est aussi une qualité. Alors tout à l'heure, je revenais un petit peu, Jean-Yves, et que je disais que peut-être le rugby prend, parce que Bernard Laporte, lors de notre entrevue, a mis le handball en couple. Mais c'est comme ça. Parce que c'est bien fait, quoi. Il a mis en avant l'handball, quoi. De la façon qu'il fonctionne. Et lui, il aimerait que le rugby fonctionne comme ça, avec des cadres fédéraux, des entraîneurs, comme on vient de citer il y a quelques secondes, qui s'occupent un petit peu de manager toutes ces équipes pour qu'il y ait le même style de jeu. Je crois que la force de la formation au handball, c'est les pôles espoirs. C'est Constantini qui a créé ça. Ça a été le premier pôle espoir, a été à Marseille. Enfin, c'était sport études à l'époque, à Marseille en 70 ou 71. Et c'est le début de l'aventure du handball. C'est le début de ce qu'est devenu le handball aujourd'hui. C'est les mecs qu'il a eu 20 ans après en sélection. Absolument, et... ouais, bien sûr. 92, les JO de Barcelone, les bronzés de Barcelone. Exact. Ce sont des jeunes qui sont passés par les sports études. Donc on est passé de deux entraînements semaine à 5-6 entraînements semaine avec ces jeunes-là à partir de la seconde, première terminale, hein, parce que les pôles espoirs, c'est seconde, première terminale. C'est ce qui explique aussi peut-être les têtes bien faites, quoi. Donc, parce qu'il faut être capable d'aller au bac et en même temps de s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Donc c'est vraiment le point de départ, et tout s'est articulé autour de là finalement. Excuse-moi, pour revenir au rugby, je crois que c'est des choses qui existaient avant. Mais on n'est pas à l'abri, j'espère pas, je touche du bois. Je crois que c'est le professionnalisme qui a amené aussi ces... Ouais, mais le hand est un sport pro, et on voit par exemple, personne n'a entendu par exemple parler du changement d'entraîneur à l'équipe de France. C'est un truc qui s'est fait juste naturellement avec Onesta qui petit à petit a intégré deux mecs de son groupe dans le système, et puis quand il a jugé que ces deux mecs-là pouvaient faire le job, il se retire doucement, alors que si tu fais ça, par exemple au rugby, mais je pourrais te prendre l'exemple du foot, du basket, de ce que tu veux, eh ben, on aurait dit attention, alors là, ça va changer, blablabla. Oui, et là, un mec comme Onesta, quand il est arrivé, il a pris tranquillou la place de Constantini, parce que c'était... Et tout se fait tellement naturellement que... Le maître mot de d'Onesta, c'est transmission. Hein, c'est toujours au niveau des joueurs, c'est de transmettre de génération en génération les connaissances, les compétences acquises au fil du temps. Donc il est vraiment dans ce trip-là. Il préfère, avec un numéro 1, mettre le numéro 4 au poste. C'est quelqu'un qui est capable d'intégrer les choses, d'intégrer le mode de fonctionnement de l'équipe de France, plutôt que de mettre un numéro 2 qui de par son ego, va vouloir passer devant le numéro 1 et espérer que le numéro 1 se blesse. Donc, là, il a raison. Voilà. Messieurs, les 20h, on a passé 35 minutes à parler du handball. On aurait pu en parler pas assez. C'était pas assez. Hein. 35 minutes, on n'a pas eu assez. Combien de licenciés, juste pour terminer? 250. Un petit peu moins de 250. Bon, c'est déjà pas mal. Des grands rendez-vous. On part à Ajaccio le 5 février. Alors, on se fait un petit week-end là complet. On joue le dimanche, mais on part le samedi. Et on reçoit Cagnes le week-end d'après. Donc, c'est les deux derniers matchs aller. Donc, deux équipes qui sont juste derrière nous, ça serait... C'est que les matchs aller après les matchs retour. Ouais, de bon ton de gagner ces deux matchs-là pour rester en haut du championnat. Et on essaiera de venir passer deux belles soirées avec vous. On est en train de préparer le programme pour les directs. C'est toujours et on viendra à Mazan commenter ces matchs. Merci bien. Volontiers. Bien. Bonne soirée. Merci Jean-Yves. Merci. Tout au long de la semaine, et bien sûr, dimanche, ce sera du rugby. Bye bye. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bélucie, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente.